artistique et je me méfie de la politique. Armes chimiques ou bactériologiques défient toutes les lois de la logique. Je vous dis science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruines et larmes. Devant l'escalade de la violence, l'homme découvre son impuissance. Appelle à l'aide le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends. Je vous dis science, oh yeah. Sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine et l'âme. Les océans sont radioactifs avec les missiles qui réfléchissent. La terre entière s'asphyxie. C'est un vrai suicide collectif. Fouillé. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je ne m'y connais pas en balistique et je me méfie de cette politique. Armes chimiques ou bactériologiques défient toutes les lois de la logique. Je vous dis science sans conscience.